La MJC fête ses 60 ans. Je travaille uniquement à la sanguine, sur toile. Et mon thème parle de tous ceux qui font le petit métier. Voilà. Et je me dis que ces personnes-là ont besoin d'être valorisées, d'être respectées. C'est pour ça que, au vrai, dans mes images, je fais référence à tous ceux qui font un métier pas trop noble. Pourquoi avez-vous choisi ces couleurs-là? Je suis tombé amoureux de cette technique depuis mon bas âge. Et je ne fais que travailler que la sanguine à autre chose. Parce que j'aime bien la couleur, parce qu'elle est assez forte et vivante. Aujourd'hui, vous proposez un atelier avec des enfants? Oui, actuellement. Et qui consiste en quoi? Ils vont dessiner? Ils se familiarisent avec la sanguine, la matière, juste apprendre comment on l'utilise. D'accord, c'est pas évident. C'est aussi simple. C'est juste à faire des hachures. Pour voir ce que ça donne comme un résultat, c'est tout. Vous avez dû faire pas mal de voyages pour pouvoir vous imprégner de toutes ces peintures. En fait, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que je suis né. Et j'ai vu un peu les difficultés de ces personnes-là qui travaillent. Donc, je me suis dit que je veux un peu en parler parce qu'ils sont un peu banalisés. Donc, je prends des images qui sont très fortes dans la rue. Et puis, j'essaie de mettre ça en image. Et derrière cette image, c'est une invitation à avoir un autre regard de ces personnes. Et au-delà de ça, je recherche la beauté de la couleur. Voilà, c'est un peu ça. Vos œuvres sont visibles où? En dehors de Persan, on peut retrouver vos œuvres où? Pour moi, je l'ai à la maison. Je n'ai pas d'atelier. Je fais ça à la maison uniquement. Et j'ai un site internet qui est www.sg-pinto.com. La MJC fête ses 60 ans. Bonjour. Bonjour, je suis Baya Création. Voilà, je suis créatrice d'objets personnalisés en bois que je customise avec du tissu en wax. Ce sont des créations qu'on peut retrouver partout dans le Val d'Oise ou uniquement en Persan? Partout dans le Val d'Oise. Je crée en fonction de ce que le client souhaite. Ça peut être une photo du client. Comme ici. Alors, ça, c'est pas tout à fait un client, mais oui, je peux faire ce style-là, quoi. Vous êtes dessinatrice? Alors, pas forcément dessinatrice. J'utilise particulièrement un logiciel et une machine à découpe qui s'appelle la scie à chantourner. Et du coup, c'est avec ceci que je fais la découpe du bois. Avec quel bois vous fabriquez, vous faites vos créations? Je l'achète en particulier chez Monsieur Bricolage ou du bois que je peux aussi recycler. Est-ce que c'est du bois que vous pouvez, par exemple, si vous allez faire une petite balade en forêt, vous pouvez ramasser du bois et Pas ce style de bois-là, bon, ça serait un peu compliqué, ou du moins, je n'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Je prends plus du bois que j'achète en magasin, quoi. Vous faites des portraits, il y a des plaques aussi, par exemple. Imaginons que Alternative FM, la radio locale, aimerait avoir une belle plaque. Vous pouvez faire ça? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout comme à fait. Ça, comme on voit là, ici. Celle-ci, ouais, comme celle-ci. Je fais aussi des prénoms en bois pour la décoration des enfants dans leur chambre. Pour leur chambre. Et par exemple, là, il y a un tableau pour une instante maternelle. Où elle a gardé tous ses enfants là, 26 enfants, et elle voulait un tableau pour se rendre hommage. C'est du tissu, exactement. C'est du tissu en dessous. Ça vous prend combien de temps pour finaliser une création? Alors j'irais maximum 2 semaines. Ouais, 2 à 3 semaines. Et vos clients sont du Val d'Oise ou c'est un peu plus loin? Oui, ça peut être un peu plus loin. Ça peut être un peu plus loin. Je fais aussi des livraisons. Et vous êtes persanaise? Oui, Je suis personnelle. Si on veut faire appel à vous pour une création, est-ce que vous avez un site internet, un Facebook ? Alors, pour le moment, je n'ai pas de site internet, mais j'ai Instagram, Snapchat. Instagram, c'est baya-du-8-création. Et Snapchat, ça fait Baya Waxwood, W-A-X-W-2-O-D. Et voilà. Le wax, c'est un peu tendance en ce moment. On retrouve du wax un peu partout. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un tissu. On peut faire tellement de choses avec. Hein. Ça peut être des vêtements, ça peut être des accessoires. Vous l'achetez ici ou vous faites venir ? Alors, je l'achète ici. Et après, j'aimerais aussi beaucoup travailler avec d'autres tissus comme le bogolan, plein d'autres tissus qui vient d'Afrique. Alors, les enfants, vous attendez pour faire de la poterie ? Oui, c'est bien ça. Oui, on attend pour faire de la poterie. Depuis cet après-midi, vous avez fait quoi comme atelier ? Alors, nous, on a fait de la peinture. Tu as fait quelle peinture ? Tu as dessiné quoi ? Les 60 ans. D'accord, devant, à l'entrée, là, c'est ça ? Et toi aussi ? Non. Bonjour. Bonjour. Je cherche le faux gâteau. Ah, le faux gâteau, il est là. Ouais. Ah, normalement, tu sais, je ne l'ai pas vu. Ah, il est dans le... C'est moi qui suis censée l'avoir pris dans le jeu, mais je n'ai pas trouvé. Allez, j'ai trouvé le faux gâteau. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Oh, il est là. Bonjour. D'accord. C'est bien ça. C'est quoi ça? C'est bien, c'est quoi? C'est bien de tel. C'est une invention de savant fou. C'est pour mettre sur le piano en bas. Ok, mais du coup, tu auras des mélanges à la fin, parce que si t'appuies sur toutes les touches. Ouais. Le but d'un cocktail, c'est de faire des mélanges. Mais... Oui, mais les mélanges, ils se mélangent bien et ça fait bon à la fin. Non. Ouais. Non, après que des trucs dégueulasses. Et est-ce que ceux qui font le piano... Oui, j'ai plein de questions. Est-ce qu'ils savent quelle touche correspond à quel cocktail ? Pas du tout. Ils sont zinzins. Ils sont zinzins. Complètement fait. Je suis, en fait, je suis... C'est parce que tu l'as pas encore vu en action. Oui, bah oui, j'arrive pas à y croire, en fait. Et c'est zinzin. Bah, ce soir. Ben voilà, j'ai trouvé le gâteau. C'est quel atelier, ici ? Murder Party. Murder Party ? C'est quoi, Murder Party ? Ben, en fait, c'est un jeu où il y a un murder. Attends. Et il faut le retrouver. On va recommencer, parce que j'ai pas bien compris. Donc, alors, ici, c'est Murder Party. Oui. C'est toi qui as mis en place ce jeu ? Non, c'est Johan. Tu sais comment on y joue ? En fait, il y a 4 équipes et il y a une personne qui sera murder. Et il faut qu'ils la retrouvent. Et s'ils ne l'ont pas retrouvée, bah, ils ont perdu. Le but, c'est qu'ils doivent tous se trouver. Comme là, il y a Chalban, il y a Maria, il y a Esteban. Et il y a Lucie. C'est une enquête. Oui. Vous êtes des inspecteurs et inspectrices de police. Oui. Parmi les enfants, il y en a qui ont trouvé Non. Personne. Toi, tu as trouvé? Toi? Trouvé. Parce que là, il y avait une feuille blanche et après, on a vu un gâteau. C'était pareil que lui. Donc, tu en déduis que... En fait, en dessous du gâteau, il y avait une feuille... Une feuille et aussi et bah ils ont dit que du rose et du rouge ça fait j'ai du rose mais nous on n'a pas vu du rose du coup ça a fait du rouge. On a vu oui du et aussi quand on a vu les gâteaux de la dame et bah en dessous du gâteau en dessous de la table et bah il y avait une feuille rouge et la feuille rouge il y avait 7 dames donc peut-être que c'est 7 dames et là c'est en dessous de cette table qu'on a vu la feuille blanche c'est elle a dit que ce gâteau ça faisait du rose, mais aussi, voilà. Il y a la taille de la personne. Des chaussures. Ah, tu nous entends. Ah, et donc ? Et donc, en fait, ce qu'on leur a dit, que quand on mélange du rouge et du rose, bah, ça fait de... quand on mélange du rouge et du blanc, bah, ça fait du rose. Mais ils nous croient pas. La MJC fête ses 60 ans. Pendant cette célébration, le Pianoctel, cette création insolite et spectaculaire inaugurée lors des 40 ans de la médiathèque Boris Vian, souvenez-vous-en, a fait son retour dans la MJC pour le plus grand plaisir de chaque personne. Bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Happy birthday! La MJC fête ses 60 ans. Oh la fête! Don't you need me like I need you now? See tomorrow. Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui vois, c'est toi qui regarde, c'est toi qui pense, c'est toi qui agis, c'est toi qui... D'accord, ça se discute. Tous les jours à 10h et 15h sur Alternative FM. Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon frère? Vous écoutez Alternative FM. Voici notre flash info. Bonjour, la municipalité de Persan informe la population du changement dans les accueils de loisirs pendant les vacances et l'accueil du mercredi. Afin de répondre efficacement aux inscriptions des enfants dans les accueils de loisirs, une nouvelle organisation a été nécessaire et mise en place par la ville de Persan. Elle a donc pris la décision d'accueillir les jeunes personnes et en fonction de leur classe et d'ouvrir un nouveau site. Dans le secteur de Simone Veil, l'accueil des enfants de niveau maternel à l'accueil de loisirs, l'accueil se fera pendant les vacances d'hiver à partir du 17 au 27 février et le mercredi à partir du mercredi 5 mars. Dans le secteur Simone Veil et le secteur Pôle Enfance. Les enfants de CP et CE1 seront accueillis au Pôle Enfance. Les enfants de CE2, CM1 et CM2 seront accueillis au Pôle Enfance, mais ils iront en pédibus, accompagnés par des animateurs dans l'ancien centre de loisirs Vaudely. Toutefois, les parents devront venir chercher leurs enfants à l'antenne Vaudely. Il est bon à savoir que tous les enfants de niveau élémentaire déjeuneront à l'école Jean Jaurès avec la mise en place d'un pédibus pour les enfants accueillis à Vaudely. Pour le secteur Simone Veil, les enfants de niveau maternel déjeuneront à l'école Simone Veil. Pour le pôle enfance, les enfants du niveau maternel déjeuneront à l'école Jean Jaurès. Les inscriptions, les modifications et les annulations seront suspendues sur le kiosque familial entre le 15 février et le 3 mars. En cas d'annulation liée à cette nouvelle organisation, la municipalité de Persan n'appliquera pas de pénalité jusqu'au 31 mars. Et pour terminer, il n'y aura pas de changement dans l'accueil périscolaire. Les enfants sont accueillis comme à l'accoutumée au sein de leur école de secteur. Belle journée à tous. 106.5, 96.7. On croit en un monde meilleur. Cette fois, je crois que nous sommes complètement, ça y est. Mais c'est une question que c'est absolument ça de faire rien. Parce que se ronger les sens, ça serait tout à fait, y'a pas de quoi. Alors moi, je sens que je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici. Pas long feu. Pas long feu dans cette chaîne de vie. Pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici. Pas long feu. parlons feu dans cette chaîne de vie, parlons feu. Quand la vie semble inévitablement se foutre, on se dit qu'il vaudrait mieux être tout à fait, c'est pas ça. Et malgré tout, on reste totalement, on fait comme on a dit. Alors moi je ferais parlons feu ici, parlons feu. Parlons feu dans cette chaîne de vie, parlons feu. Au Saint-Hilaire ou chez Régine, tout se passe au fond, c'est comme dans les mines de charbon. Ceux qui travaillent dans les mines descendent blancs, remontent noirs. C'est ce qui m'arrivait chaque soir au Saint-Hilaire ou chez Régine. J'y ai connu une mineure avec une mèche de cheveux blonds qui rayonnait contre son front comme une lampe de mineur. Au Saint-Hilaire ou chez Régine, tout se passe au fond. C'est comme dans les mines de charbon. Lorsque je pris sa taille fine, j'en eus le grisou dans les mains et tes sueurs au creux des reins, comme les mineurs au fond des mines. En l'aimant, je prenais des risques, je savais que j'allais souffrir, moi qui ne pouvais lui offrir que des diamants de tournedis. Au Saint-Hilaire ou chez Régine, tout se passe au fond. C'est comme dans les mines de charbon. Un soir, bien sûr, elle fit des mines, à une mine d'or, un joli cœur. Je sentis un marteau piqueur qui me défonçait la poitrine. Je compris que c'était le final, je voyais se marier la galerie. C'est la première fois qu'on me vit monter au jour la gueule toute pâle. Au Saint-Hilaire ou chez Régine, tout se passe au fond. Mais je me dis en consolation que pour en baver pour de bon, rien ne vaut les vraies mines de charbon. Au Saint-Hilaire. You are listening to Alternative FM 96.7 and 106.5, here and there, and radio for a justified and solidarity world. Find us on www.alternativefm.fr. www.alternativefm.fr. Te déshabille, je veux dire quand tu te mets toute nue, que le rien qui t'habille ne t'habille plus. Quand par-dessus les grilles de ta délicieuse vertu, soudain tu éparpilles des froufrous et tes tissus, tes dentelles et tes résilles, bref, tout le superflu, tout le rien qui t'habille et ne t'habille plus. Moi qui vais de ville en ville, de jolies choses et j'en ai vu, j'ai jamais rien vu d'aussi joli que quand tu te mets toute nue. De ta coquille, il ne reste que le contenu, une étoile qui scintille sans un nuage dessus. J'ai le cœur qui part en vrille dans ma poitrine qu'est le chahut, comme dans celle d'un gorille qui retrouve sa tribu. Car à celui qui s'émoustille, qui voit ce que j'ai vu, il aura les yeux qui brillent et un coup de poing dessus. Quand tu te déshabilles, je veux dire quand tu te mets toute nue, que le rien qui t'habille ne t'habille plus. Moi je trouve ça pas croyable de pouvoir voir tout ça. J'ai dû vendre mon âme au diable et je ne m'en souviens pas. J'ai dansé sur la table comme un gaucho, un madiar qui s'inspire du cheval quand il perd, quand il se cabre. J'y peux rien sur mon thème astral, les étoiles me baptisèrent. Entre l'homme et l'animal, Sagittaire sans Sagittaire. Entre l'homme et l'animal, c'est l'animal que je préfère. Toi la femelle et moi le mâle et ta chair qu'appelle ma chair. Painted red. Never find a room still I told him in my beer. Ain't only digging my potato. Creeping on my mind. Well, I got a special plan. Renting on my mind. Well, I went downtown this morning. Let my gear and lash. When I came back home, that put in my tattoo pen. tip up to my window. Wished I had a gun. I found one around the pool. I was calling down Sally Norris, dinner my potato. Creeping on my wife. Well, I got a special pain. Resting on my mind. Well, she paused her face. I water waved her hair. Though she caught a taxi, going crowds of town somewhere. You know she's digging my potato. Tripping on my wife. Well, no, I got a special thing. Tripping on my mind. And down, never found my baby because she was laying in another town. You know, she's digging my potato, tripping on my wife. When do I got a special plane? Trust me when I say baby. May Christmas bring you happiness. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, like we did on all the rest. Hey, Merry Christmas, baby. Happy New Year. Have fun, because Christmas don't come but once a year. Here's to you, honey. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, like we did all the rest. All the presents, my love, under the Christmas tree, remind me of your love. That means so much to me. Here's to you. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, baby, like we did on all the rest. Dinners and everything, we'll share every little pleasure. Every Christmas brings to you. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, like we did on all the rest. I want to be home with you, baby, when New Year's roll around. We'll make our resolution before. May Christmas bring you happiness. Want you to have a good time, like we did on all the rest. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia,

town, everything becomes blown. Only a background noise remains. I can feel something like a realm, like before an explosion. Again, so slowly, I look around calmly. Everything seems so different from here. I'm expected to talk myself. Salut, c'est Backlash. On écoute Alternative FM. 96.7 dans l'Oise, 106.5 dans l'Île-de-France. Je

qu'il laisse toujours mourir de faim les enfants de son voisin. We wanna fight! Thank you. were so much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. So much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young, when I like a dog in the rain. But you know what's going through this whirling, swirling brain. Knock, knock. Ship tossed at sea. You heard me, darling. You made me cry. But if you don't come back, I know I'll die. No, no, no. You let me in. Knock, knock. Who's there? Who's there? Who's outside? Won't in. Don't spin on me. I love you. I love you. I love every day and every night. But you're not beside me, darling. I know I can't go on. You gotta help me find my way to this wicked, wicked world. Cause there ain't nothing I can't do without. You gotta help me, you gotta come to me, baby. Show me life is worth living. Show me what love is all about. I can't make it without you, darling. Help me find my way. Help me out of this situation. Nah, nah. Who's there? Who's there? Who's there? Salut, c'est Backlash. On écoute Alternative FM. 96.7 dans l'Oise, 106.5 dans l'Île-de-France. I've got a fat Betty Betty. I'm growing old, I don't know how it came to be. 30 is the new 50, a fat belly belly. I'm losing my hair, but my Kill Bill A6 make me feel young again. Hey people, time is hard on all of us. I begin to long for early nights and songs by Paul Williams. What do you mean? The 90s were 15 years ago. Eddie Kreese and Dave now have grey hair and I'm feeling so low. Oh, I feel too tired to dance. And I work in finance. When I drink too much, takes me a week to feel better. Yes, there's no denying I've got a fat Betty Betty. I'm growing old, I don't know how it came to be. 30 is the new 50, a fat Betty Betty. I'm losing my hair, but my Kill Bill latex make me feel young again. Fat belly belly, fat belly belly, ooh yeah. In another life, I used to jump from roof to roof. I would sleep in city parks, take pride on a goatee. There was no shame in wearing a poncho and a hat, or taking off your shirt on stage, or writing songs with scat. Now I feel too tired to dance. I am collecting plants. When I dream too much, decks me a week to feel better. Yes, there's no denying I've got a fat Betty Betty. I'm growing old, I don't know how it came to be. 30 is the new 50, a fat Betty Betty. I'm losing my hair, but my Kelly Lasix make me feel young again. Fat belly belly, fat belly belly, ooh yeah. Now I feel too tired to dance, and I work in finance. When I dream too much, takes me a week to feel better. Yes, just no denying I've got a fat Betty Betty. I'm growing old, I don't know how it came to be. 30 is the new 50, a fat Betty Betty. I'm losing my hair, but my Kelly Lasix make me feel young. I've got a fat Betty Betty. I'm growing old, I don't know how it came to be. 30 is the new 50, a fat Betty Betty. I'm losing my hair, but my Kelly Lasix make me feel young again. Fat Betty Betty, fat Betty Betty, ooh yeah. Salut, c'est Backlash, on écoute Alternative FM. 96.7 dans l'Oise, 106.5 dans l'Île-de-France. Ici et ailleurs, une radio pour un monde plus juste et solidaire. 106.5, 96.7, on croit en un monde meilleur. La vie sur Panama, à la brèche, l'étoile maman. Grandi sur le macadam, j'ai élevé pour le sac à main. La vie sur Panama, à la brèche, l'étoile maman. Grandi sur le macadam, j'ai élevé pour le sac à main. Oh, so ça, oh, so ça, oh, lola, oh, lola. T'as parlé sur moi, parlé sur moi. J'ai tout gardé sur moi, gardé sur moi. Oh, so ça, oh, so ça, oh, lola, oh, lola. T'as parlé sur moi, parlé sur moi. J'ai tout gardé pour moi, gardé pour moi. J'ai toujours vécu la guerre sans paix. Est-ce que la vérité va-t-elle nous sauver? Je me demande si on mérite d'avoir ça dans ça. Trop de risques, trop de dangers pour avoir tout ça. Mais aujourd'hui tout va bien. T'es en train de vie délicat. Fallait bien qu'on s'alimente, s'alimente. Rire comme des diamants, diamants. Ressourcer la terre de mon pays. Dur de voir l'agonie. L'affaire qui se mouille quand ça devient torride. Valeur principe avant la monnaie. Pas temps à perdre avec la monnaie. La vie sur Panama, à la brèche, l'étoile maman. Grandi sur le macadam, j'suis élevé pour le sac à main. La vie sur Panama, à la brèche, l'étoile maman. Grandi sur le macadam, j'suis élevé pour le sac à main. Oh, so ça, oh, so ça, oh, lola, oh, lola. Toi t'as parlé sur moi, parlé sur moi. J'ai tout gardé sur moi, gardé sur moi. Oh, so ça, oh. Allô maman, s'il te plaît. Tous ces gens qui nous parasitent, faudrait pas qu'on stèse. Le taf connaît pas la chance, il y a pas de secret. Il faut peu pour qu'on dévisage ceux qui sont pas dans le vrai. Laisse-nous briller alors, laisse-nous briller dans le noir. Faut pas qu'on pense qu'à baigner dans le sol. Dans un bolide allemand, faut pas qu'on pense qu'à régner dans le sol. Un jour ou l'autre, on finira seul. Laisse-nous briller alors. Allô maman, s'il te plaît. Laisse-nous briller alors. La vie sur Panama, à la brèche, l'étoile maman. Grandi sur le macadam, j'ai élevé pour le sac à main. La vie sur Panama, à la brèche, l'étoile maman. Grandi sur le macadam, j'ai élevé pour le sac à main. Oh, so ça, oh, so ça. Oh, lola, oh, lola. T'as parlé sur moi. Parlé sur tout gars. c'est la chanson du dimanche sur Alternative FM, La Pêche. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille et qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre au temps d'hiver. Convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est à venir. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente. Et droit au cul quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes. La vida va, assez de joie. La vida va. Si esperamos que se cumplan nuestros sueños. La vida est là. Et la vie sans cesse recommencera. Moi je connais un gars qui est grand comme une montagne. Quand il te serre la pogne, tu peux chercher ta main. Il a le sourire aux lèvres et porte toujours un chapeau noir. Il y a plus d'un quintal sur le talon de ses tiags. Il danse comme souffle le vent, aussi léger qu'un papillon. Il a ça dans le sang. Il fait bouger le monde, son nom de guerre c'est Neboy Chamé. C'est un gentil cowboy qui aime les Indiens et les mecs qui fredonnent. Parfois il sort sa lame, un vrai sabre de samouraï. C'est pour couper la pomme aux gosses qui montent sa troll. Moi je connais un gars qui a un cœur, je te raconte pas. C'est une histoire sans fin, un gars bon comme le pain à la nuit. Quand il te serre la pogne, tu peux chercher ta main. Il a le sourire aux lèvres et porte toujours un chapeau noir. Il y a plus d'un quintal sur le talon de ses tiags. Il danse comme souffle le vent, aussi léger qu'un papillon. Il a ça dans le sang, il fait bouger le monde. Son nom de guerre, c'est les boys charmés. C'est un gentil cowboy qui aime les Indiens et les mecs qui fredonnent. Parfois il sort sa lame, un vrai sabre de samouraï. C'est pour couper la pomme aux gosses qui montent sa trogne. Moi je connais un gars qui a un cœur, je te raconte pas. C'est une histoire sans fin, un gars bon comme le vin. Quand il te serre la pogne, tu peux chercher ta main. Moi, Je connais un gars, rien que je te raconte pas. C'est une histoire sans fin, un gars bon comme le pain. Ouais, Noël, un seul fox. Hey, hey. Ce bateau, il donne envie de voyager. Il navigue sur les flots. Il navigue sur les flots. Partir d'ici pour marauder, mettre des voiles, cap sur les îles, glisser sur les vagues vers les mers du sud. Mettre les voiles. Cap sur les îles, glisser sur les papiers des mains du sud. Se voiler sur l'eau, se voiler sur l'eau. Il donne envie de prendre le large sur le mât un drapeau. Sur le mât un drapeau qu'on peut voir sur tous les rivages. Mettre des voiles, cap sur les îles, glisser sur les vagues vers les mers du sud. Mettre les voiles, cap sur les îles, glisser sur les vagues vers les mers du sud. Les gens n'ont pas la même couleur, la vie n'a pas la même saveur. Toutes les cultures sont différentes, la musique est évidente. cry. No need to cry. No need to cry. Oh, Lord, baby. Oh, Lord, baby. I know that we are through. Oh, yes, you've wrecked a heart that loved you. Now there's nothing more that you can do. Oh, Lottie Moore. Oh, Lottie Moore. Oh, Lottie, Lottie Moore. Oh, Lottie, baby. Oh, Lottie, baby. What are you gonna do? What are so lonely, I'd give the world if I could only make you understand. Yes, it surely would be grand. I'm simply wild about my baby. Ask her, won't she please come home? Since she's gone, I stay worried all the time. So, baby, won't you please come home? You know your daddy's all alone. I have tried, but all in vain. Never no more to call your name. Since you left, you know you broke my heart. But that will never make us part. Every hour in the day, you can hear me say, baby, won't you please come home to your daddy? Baby, won't you please come home? Since you left, you broke your daddy's heart. That should never make us part. By every hour in the day, you can hear me say, baby, won't you please come home? I need a little loving. Baby, won't you please come home? Baby, where have you been? Why don't you come home to daddy? Baby, won't you please come home, begging once more. Baby, won't you please come home. Vous écoutez Alternative FM, il est 21h. Well, I heard the news, that's good to rock in the night. En 1951, le disc-jockey américain Alan Freed anime l'émission de radio Moondogs Rock'n'Roll Party. C'est lui qui trouve son nom au rock'n'roll en reprenant une expression que l'on retrouve depuis les années 40 dans certaines chansons de rhythm and blues. Session Rock sur Alternative FM. Postman, he put it in his sack.

You're listening at 96.7 and 106.5 Alternative FM. Ben du bidu, gob gobi dabidu. Mon bigot, il fait des photos et capte même la radio. Il faut bien vivre avec son temps, à la gloire d'un étendard sanglant. Je suis fier de mes nouvelles Nike Air. Mon style, c'est plutôt sportswear. Et toujours gagner le terrain, quitte à y laisser les plumes d'Indiens. Man's ruined. tracks the other day. I got a tap on my shoulder, look behind to see. There's no hot lady in the negligee. She says, can you tie me up? You can buy me a dress. Said her name's temptation, or it's known as lust. The call in a womb had started to rust. I said, no thanks, babe, not today. She threw a drink in my face, so walked away. Well, that's too bad. Cause I did not much to say to you. Walk on now. With your fancy point of view. I know you're tight. You're only after one. We'll be right back. cœur. Dans un port de mer où de jeunes voyageurs cherchent à manger et boire, assoiffés d'histoire à ramener au pays, leur choix s'arrête sur un sombre taudis, une vieille taverne emplie d'âmes égarées où un vieux loup de mer se met à radoter. Ne levez pas les yeux vers le bas où sont accoulés ces pauvres malheureux. Ces spectres de matelots, fantômes de capitaine, bouteilles de rhum en main sorti d'une époque lointaine. Iséo, Iséo, ouais. Iséo, Isé la grande voile. Et sortez les canons. Entrez à l'écoutille où nous sommes en famille. Nous virons la boisson et ferons verser les jolies filles. Ces tenanciers qui préparent ces bouteilles, nos gorges desséchées se feront rincer jusqu'au lever du soleil. Viens Maurice Matelot, dit haleine de chacal, qui danse le tango avec sa bouteille de mescal. Et le malouin Yvan qui a été pris par un typhon. Plus tard, la tempête l'a ramené au bord. Il est plutôt morbide, mais il peut boire sans fond.

même le masque de tuba. Ce n'est pas sûr que ça ne me flambe pas. La trouille quand même pas autant que les soldats. En amour, je n'ai pas spécialement stéréotype. Mais si on me donne le choix, un petit type, mon type de mal. Son type de mal. C'est comme ma part naturelle, tout au plus avec un. De petits tatouages là, ou là, ou peut-être là, ou bien là, non, non, un peu plus bas, ou là, ou là là là. يا وشعرها مطلوق وركبه في الايفوك. vite, la taille 38.